souris, j'ai grandi. J'suis OP pour l'instant. Appelle-moi quand y'a du temps. On fait du trafic dedans. Localisé dans la rue. Trop de fois mon blaze est apparu. Étudiant reconnu. Des détraqués attendent ma venue. Silencieux, j'navigue. Des PD m'ont pris pour cible. Sur le terrain, je dribble. Te casse pas, je vise le mille. Autodestruction, il me faut une raison. Plus de précision, j'suis dans le game. TK, c'est la future saison. Mon entrée, c'est le thème. Des trahisons, des bâtards. Des haineux, le placard, des schlasses, des histoires, de la drogue, des bâtards. J'suis dans la Mondeo, j'suis dans la Mondeo, j'suis dans la Mondeo, j'suis dans la Mondeo. J'ai chargé le rame à coups de billets, encore j'ai la grave à comploter. Trêve de bavardage, j'suis dans la cage, j'entends des os quand je change de page. Gyrophare, bam bam, garde tes larmes et ton calme. Tu le sais quand j'suis en auto, avoir ma peau qui le pourra. J'ai eu le temps à coups de couteau. Seul un vrai le comprendra. C'est moi et ta réalité. Encore un mytho en train de critiquer. J'suis dans le route, numéro d'écrou. Petit jaloux, j'ai ton succès en joue. Bam bam, hello. Réécris le scénario. Une rose dans la main, j'suis un gentleman. Je rêve de promener ton crâne. Histoire de fou, baveux j'm'en sors. Carlo Merta n'est pas un dollar. Histoire de fou, baveux j'm'en sors. Carlo Merta n'est pas un dollar. Précision lyricale. Dans ton route, j'fais du mal. Produit inconnu dans la malle. On veut tous de la maille. Oh yeah. Oh yeah.